La radio des Mégaïdes vous présente le Méga Plein Air Show. Revoici Yves Laroche. Eh bien, l'émission est déjà terminée. Si vous avez des questions, des commentaires ou une demande particulière, vous pouvez me rejoindre au courrier électronique suivant ylaroche@actionaxion.ca. Donc, ylaroche@actionaxion.ca ou via notre nouvelle page Facebook du groupe Méga Plein Air Show. Alors, merci infiniment d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Ciao!